pour développer des rapports de plus en plus harmonieux, pour civiliser l'animal dans l'homme. C'est totalement artificiel. Mais comme c'est artificiel, c'est sujet à de graves erreurs. Il faut que ça parte réellement de la conscience, l'intelligence de la conscience, pour que ce soit bien harmonisé. Sans ça, là, c'est ça qui arrive dans la vieille génération. Tu n'as rien exposé. Dans la vieille génération, c'est que il c'est plus de respect. On est emprisonné dans des portes. Nos grands-pères. Moi, je me rappelle de mon grand-père. C'était plus de respect. C'était une violation de mon droit. Ça fait des artères bien rigides. C'est totalement artificiel, le respect. D'ailleurs, comme toutes les formes sont artificielles, seulement tu peux t'en servir créativement dans l'éducation ou dans le développement des relations de travail ou psychologiques avec des êtres. Au niveau des adultes, où le respect se manifeste le plus par le biais de la conscience, c'est dans l'absence d'ego. Moins t'as d'ego, moins l'autre sent d'ego, plus il y a du respect. Rien à connaître. T'as plus besoin de mécanismes artificiels. Parce qu'une personne qui sera trop respectueuse, une personne dans le monde inconscient qui est toujours respectueuse des autres, ce qui arrive, c'est qu'elle s'enlève de l'énergie. Exemple, comment ça s'appelle? Madame Rebecca. Madame Rebecca est de nature respectueuse. C'est pas partie de sa nature. Ah. Trop de respect t'enlève de l'énergie. Tu te mets sa vibration de l'autre. Si t'en as trop, ça t'insécurise. Alors, il faut toujours partir de la conscience. Ça enlève la centricité aussi. Pardon? Ça enlève la centricité. C'est sûr que c'est difficile de parler. T'sais, même si je voudrais écrire un livre, c'est de faire de qui tu veux que je parle? Je ne peux même pas parler au grand public. T'sais, le respect, c'est artificiel. Parce que c'est pas ça que je veux dire. Les autres, ils vont interpréter ça comme artificiel. C'est un outil. C'est un outil. Entre les adultes conscients, le respect, il est déterminé par le niveau de conscience. Mais aussitôt que la conscience s'imprime dans l'ego, il y a du respect. Les égos ne sont pas ajustés. Mais il y a du respect. Mais s'il y a trop de spiritualité et qu'il n'y a pas assez de conscience, il peut y avoir un manque de respect. J'ai connu des expériences à l'intérieur de vous autres, la bunch, là, qui m'a pas mal, où des êtres trop spirituels manquaient de respect envers les autres. Parce qu'ils étaient pris trop dans leur forme de spiritualité. Des fois, ils en venaient à un point où ils étaient trop brutal dans leur expression. Il n'y a pas un homme qui a le droit de parler, qui peut parler avec autorité, tant qu'il n'est pas dans la conscience. Car dans la conscience, c'est l'autorité. Tu parles avec l'autorité. Et quand tu es dans la spiritualité, tu ne peux pas parler avec autorité. Donc, automatiquement, il y a un manque de respect qui se fait envers l'autre personne. C'est pour ça que tu vois souvent, entre des gens spirituels, des confrontations entre les égos et les personnalités qui font que ça va pas mal loin. Ça peut aller très loin. ça devrait jamais être. Parce qu'on se dit, bon, les gens spirituels, ça devrait être. Tu penses que les gens spirituels, ça se passe. Tu penses que les gens conscients. Bon, prends un exemple. Prends elle, la grande gueule. Elle manque jamais de respect pour ça. Quelqu'un qui ne connaît pas et qui n'est pas conscient, là, il va s'imaginer que c'est un démon enchaîné. Mais quelqu'un qui la comprend, qui la connaît, là, prends elle comme Gisèle. Gisèle la comprend, elle. Gisèle est bien sensible, vibratoirement. Elle ne parle pas tout le temps, mais elle sent ça, des vibrations. Puis pour que Gisèle soit en harmonie vibratoire avec elle, comme elle l'est, mais ça ne vient pas de son ego. Cette fugue-là, ça vient de l'âme. Fait qu'il n'y a pas de manque de respect. Fait que c'est subtil d'affaire du respect. Fait qu'est-ce qui arrivait? Ils ont été obligés de la couper avant le contact. Parce que si elle avait eu ça quand elle était jeune, tout le monde l'avait méprisé. Fait qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le poser. Fait qu'elle pleurait tout le temps, puis était tout le temps bonne, puis était tout le temps ci, puis était tout le temps ça. Autrement dit, elle avait trop d'énergie positive. Là, ils ont donné l'opposé. Paf! L'énergie négative pour balancer. Fait que tu comprends, quand ça part, ça part. La centricité. Sans ça, elle était attachée avant ça. Mais une fois que ça passe par ton centre d'énergie, que les gens l'aiment, que les gens l'aiment pas, c'est leur problème, c'est pas son problème à elle. Ça passe pas par son ego. Fait que ça va loin à faire du respect. Ça va jusque dans l'habillement, le respect. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus de respect dans la société moderne. Tu vas dans un beau restaurant pour relaxer, c'est beau. La gérance, ils ont dépensé beaucoup d'argent pour faire mettre un climat là-dedans. Les serveurs sont propres. Les gars, tu vois un gars avec un short pour de cowboy, comprends-tu, les grosses bottes sales, puis les pantalons déchirés. Tu demandes de respect. Ça va être qu'on a fait du respect. S'il y avait du respect, ça sera changé à sa chambre pour venir dans la salle. Mais aujourd'hui, c'est you do your thing. Everybody does his thing, puis le world est rendu de même. Tu vas dans un beau restaurant te reposer, petite conversation tranquille. Parce que un grand restaurant, c'est clair, c'est. Tu peux pas t'attendre à avoir du bruit. Si tu vas là pour ça, si tu veux avoir du gogo, mais tu vas d'une place jusqu'à du gogo. Là, il n'y a pas de manque de respect. C'est normal, tu demandes. Si tu demandes du calme et restaurant de gogo, à ce moment-là, t'es croche. Fait que ça va loin la fin du respect. Plus tu deviens conscient, plus tu souffres du manque de respect. De la société envers l'individu. Fait qu'éventuellement, c'est que tu fais, tu t'isoles comme moi. Fait que moins je vois d'hommes, mieux je suis. Je veux bien avoir du monde, mais je veux pas avoir d'hommes. Je pars de chez nous, je m'en viens ici, je viens vous visiter, je m'en retourne chez nous, je fais ça tout le temps. Parce que mes vibrations, je suis pas grave. Pourquoi est-ce que je souffrirais en premier? Et j'ai assez de souffrir ce que j'ai à souffrir sans souffrir pour rien. Je m'en vais. De temps en temps, je vais dénicher un petit restaurant bien tranquille, puis je vais toujours là. Toujours là. Toujours là. D'un coup, il y a quelque chose qui ne marche pas. Chante. Chante. Je fais ça. Mais les temps ont changé depuis 25-30 ans. C'est carrément. 25-30 ans, le reste, c'était pas la drogue n'avait pas commencé. C'est la patente. Aujourd'hui, il y a de la violence psychologique tout partout. Moi, j'appelle ça de la violence psychologique. Tu t'en viens bien rentrer dans ton corps, il y a un gars qui te brûle les tires à côté, comprends-tu? Tu sautes de même. Moi, je saute pas, bien du monde peut sauter. C'est un manque de respect. Puis ça s'universalise dans la société. Dans la société, où tu lis des gens sensibles éventuellement sont plus sortir. C'est pour ça qu'ils éventuellement les portent. Parce que vos vibrations ne vous permettront plus de prendre le manque de respect dans la société. Parce que vous avez trop senti la violence psychologique. Oui, mais il m'est arrivé une affaire à nage. Il me manquait un phare à mon auto. Fait que je m'en viens un soir. Puis il y a un type qui me fait un signe. Je suis pas obligé de débarquer de chat et expliquer qu'il me manque un phare. J'avais mis mes lumières, c'est air, parce que c'était les seules lumières qui fonctionnaient sur deux. Là, il repart, il y avait une Camaro, je pense. Il repart. Là, il se retourne d'abord sur mon côté, là, sur mon bord, puis il m'envoie les phares dans les yeux. Je clignote. Puis il reste là. Là, il m'a passé une vibration, mon cher. Puis là, tu me dis, quand il me passe une vibration, everything goes. Là, je sais pas ce que je vais faire. Là, je m'étais emmené à toute vitesse vers lui. Là, il a reculé, il a retourné. Là, je l'ai coupé sa route. Il a arrêté. Puis là, il est parti à gauche. Puis il est allé se cacher dans un restaurant. Il y avait un petit restaurant. Là, il a fermé ses lumières. Là, je suis arrivé, j'ai barré mon char juste devant lui. Je suis sorti de mon char. Puis là, je l'ai accroché par le cou. Puis je l'ai plié, là. J'ai plié la colonne vertébrale sur le hood. Puis là, il m'a pas dit ce que j'ai dit. Mais quand il est parti, il avait la queue entre les deux jambes. La vibration. J'ai pas fait mal. Mais il avait la queue entre les deux jambes. Ah, il ne fallait plus qu'il le fasse par moi. Parce que ce qui arrive, c'est que quand elle passe la vibration, là, tu deviens tellement mauvais. D'abord, tu n'as plus peur. Tu n'as pas peur. Puis surtout, moi, je suis fusionné. Fait que moi, la mort, ça n'existe pas. Je te dis que ça passe, l'énergie. Mais tu ne peux pas toujours perdre l'énergie. Même, tu viens fatigué de toujours être en conflit, puis en conflit, puis en conflit, puis en conflit, puis en conflit avec l'homme. Fait que si tu fais, tu es un chien. Fait que t'arranges ton terrain, t'arranges tes peurs, t'agrandis ton terrain. Je m'en ai pris assez de terrain, Charlie, là. Et j'en ai du travail à faire. La paix. T'es plus capable. Je parle de ça, puis je l'ai la vibration dans le coin. Rien qu'en parler, je l'ai la vibration. C'est une souffrance, ça fait mal, la vibration. C'est comme un couteau qui te rentre. C'est bon de laisser aller. Si les sens sont ouverts, l'énergie passe. Comment tu voudrais lutter? Elle passe, l'énergie, l'ego est suspendu, tu deviens gelé dans ta tête. Ça. Mais c'est une souffrance parce que tu dépenses de l'énergie. Tu, des, fasse pas d'argent de faire une folie, quoi. Mais c'est une folie, mais en même temps, quand tu dis que là, tu roules tellement vite, là, t'as pas peur de rien. Oh, tu veux être clair. Quand t'es conscient, tu veux être clair. Tu veux pas être clair. Tu veux être clair. Tu veux être clair. Tu veux être clair. Ça te nettoie les tripes. Mais c'est fatigant, c'est une perte d'énergie. Tu perds du respect, moi, c'est ce que je souffre le plus dans la société. Parce que le respect, au niveau de l'homme inconscient, j'allie toujours ça à la violence psychologique. Ça, c'est ma souffrance. Ça, je I don't need it. Ça, je mets à l'ordre tranquille. De temps en temps, il y a des incidents de même. C'est pénible. Parce que quand t'es conscient, t'es nerf à feu. Plus tu te conscientises, plus t'as des nerfs à fleur de peau. Quand je dis nerfs à fleur de peau, je parle des nerfs à fleur de peau. Tout ton système est électrifié, tout marche, toute la machine marche. T'as plus d'émotion pour bloquer l'énergie, tout marche. T'es toujours en feu. Fait qu'il s'agit qu'il y a une situation où l'énergie passe, tu partis, il coupe, mais tant mieux. Mais des fois, il coupe pas pour te mettre dans une situation pour tester ta résistance. C'est le même que ça. Tu peux être coupé, il y aurait bien pu me couper, j'aurais continué mon chemin ou j'aurais sorti. D'ailleurs, c'est arrivé quand j'étais allé chez M. Bessette. Il y a un type qui a arrêté à côté de moi, puis je suis sorti du char pour y aller expliquer que mes lumières ne marchent pas. J'ai tout fait le mouvement, quoi, de dire, ok, monsieur, parti, bien, allez. Mais quand ils font le contraire, là, ils vont. Anything can happen. Donc, si tu subis le choc vibratoire, c'est toujours toi. Mais tu viens, tu n'as pas de casse, t'es tourné, puis tourné, puis tourné, puis tourné, puis tourné. Tu veux la paix. C'est pour ça que je dis dans le set, vous allez sacrer votre camp, tout le monde. Un va être son bord, l'autre va être son bord. Vous allez chercher la paix du monde extérieur. Ça, c'est automatique, c'est pas de choix. Des fois, moi, j'aimerais, disons, me bader de mon garçon, parce qu'il parle tout le temps. Moi, je suis un connaisseur. J'essaie de dire, hey, laisse-moi les 5 minutes au moins pour me reposer les oreilles. Mais je ne peux pas m'en aller de lui. Pour être lourd, je veux dire, j'ai quand même une éducation qui est bien. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est la raison d'être de son attitude ou de la mienne envers lui. Parce qu'il y a un lien karmique entre ton garçon, ce lien-là, tu sois vécu dans un certain âge, il va partir comme ça, tu vas être tranquille. Il y a un lien karmique. Au cours des incarnations, on fait des liens. Entre tout ton garçon, il y a un lien karmique. Alors, vous vous retrouvez dans une vie ensemble. Alors, ce lien-là, tu sois vécu. Puis, il y a une chose intéressante en ce qui concerne t'es avec ton garçon, c'est que ton garçon te sert de miroir. Ton garçon te sert à voir des choses. Ouais. Dans ta vie proche. Ça fait toute partie du respect. Ah oui. Dans le cadre de la culture française, on n'est pas des Anglais, on n'est pas des Russes. Dans le cadre de la culture française, quand tu rencontres une personne qui te tutoie, c'est un manque de respect, selon l'art. Autrement dit, si tu parles à un jeune qui rencontre un jeune, mais ça, c'est la mode de se tutoyer. Fait que c'est déjà accepté, fait qu'il n'y a pas de problème de respect. Mais une personne qui adresse une autre personne, puis qui la tutoie quand il n'y en a pas, surtout si c'est une personne plus âgée, c'est un manque de respect. Ça fait partie de la violence psychologique des masses, mon gars. Toute l'affaire. Moi, quand je tiens un restaurant, la waitress, ça me dit, veux-tu, qu'est-ce que tu veux? Ça change toutes mes vibrations, ça retourne mes offres en envers. Ça me retourne en envers? C'est pour une façon d'être plus près de quelqu'un. Si elle est dans sa vibration, si c'est dans sa vibration, je vais le sentir. Je vais le sentir. Puis j'en ai eu des gens qui m'ont tutoyé. Ça passe. C'est tout des vibratoires. Mais les gens sont pris dans le fort. On peut dire vous aussi, puis il y a manqué de respect en disant. Effectivement, effectivement. Effectivement, c'est tout dans la vibration. Ils peuvent dire tu à leurs parents, ouais. Puis être respectueux quand c'est même. Juste, avec c'est juste, autres. C'est juste. C'est toujours le mot, mais c'est juste. La façon exactement. De dire. Exactement. Mais je parle dans le mouvement général d'aujourd'hui, là. Je ne sais pas si vous l'avez expérimenté dans un restaurant ou des endroits publics, tu vas t'acheter quelque chose. Puis tu te fais tutoyer par quelqu'un qui ne te connaît même pas. Moi, ça me passe dans le corps. Je dis rien, je continue. Mais j'ai déjà vu ma femme refuser d'acheter une pièce chez Eaton parce que c'est de tutoyer. Elle dit, vous ne me connaissez pas, mademoiselle. L'autre, elle dit, c'est à mode. J'ai réchiché mes objets ailleurs. Elle est allée, je m'en vais. Mais ça, c'est tout. Je vais vous dire une chose. Plus vous devenez conscient, plus vous deviendrez névrosé. Rappelez-vous bien ce que je vous dis là. J'en parle de névrosé par un sens psychologique des médecins. Névrosé dans le sens que tu vibres tout le temps. Tout le temps. Tu passes ton temps à vibrer. Puis quand tu vibres pas, t'es bien. Mais aussitôt que tu rencontres du monde, tu vas au garage, tu sais pas comment tu dois t'accrocher. Tu commences à aller garager. Tu viens de me faire vibrer, par exemple. Comprenez-vous le point que je veux faire? Je prends des exemples pour être graphique. Ça, c'est dans le monde entier, surtout dans le monde occidental. En Chine, t'as pas de problème, là. Au Japon, tu l'as pas trop, ce problème, là. Différentes cultures. Dans les écoles, ça fait plusieurs années qu'on a habitué les gens. Ah, leur professeur, même de 60 ans. Regardez qui c'est qui arrive. Parlez-moi pas des écoles. Des écoles, je veux rien savoir des écoles. Rien à voir les écoles. Les écoles, c'est la débandade complète. Complète. Même les jeunes l'admettent. une situation qui peut pas se changer. Ma petite fille qui va. Ma petite fille, elle va à l'école. Je l'ai sorti de l'école, je la mets en or. Puis sa petite fille, elle arrive. Ma femme est allée à l'école. Pour une raison. Pour une raison. Non. Puis la petite, une des petites filles à l'école, elle dit: hey, ta chienne de main, là. Ben, tous les enfants. Surtout un enfant qui sent comme la mienne. C'est des souffrances. C'est des souffrances, ma femme. D'ailleurs, moi, je ne veux rien entendre parler avec ça. Moi, j'ai dit à ma femme, si elle a quelque chose à dire de ce qui se passe à l'école, gardez des liens entre vous autres. Parce que si ça vient à mes oreilles, ça va changer tellement mes vibrations que moi, je ne peux pas y aller à l'école. Puis, si je vais à l'école, ça va garder la main. Fait que je ne veux rien savoir. Parce que je crée des guerres mondiales. Moi, chaque fois que je rentre dans le public. C'est moi, en fait. Parente-toi avec Clé. Christine, tu sais comment elle parle, papa, papa. Pa. Oh. Vous allez voir. J'en suis, vous êtes capable de déléguer vos affaires, vous. Quoi? Vous êtes capable de déléguer vos affaires? Je pense que l'éducation, pour les parents, l'éducation des enfants, c'est l'affaire la plus difficile. Parce que sont obligés de mettre les enfants dans un système qui est totalement corrompu, qui n'a plus d'esprit. Même si les profs font leur possible. Le milieu qui est le plus infecté au niveau de l'éducation, au niveau des mœurs des jeunes, c'est parmi les Grecs. Les écoles grecques là, dans le bas, c'est le Park Avenue là, dans ce bout-là, là, c'est terrible. C'est la violence. Les jeunes, là, c'est toute la violence. Comment ça s'appelle ça? Macho. Là. Moi, j'ai bien l'intention de sortir de ma fille de l'école. Ma sortir de l'école. Une journée, il va arriver quelque chose, basse dans tes écoles, ça va se passer. Il y a un petit gars qui lance une roche au parc une fois. Elle s'en revient à pleurer. On était assis, moi, ma femme. Elle se faisait du bicycle. Il a lancé une roche. Petit gars de 15 ans, 16. Là, je suis parti. La vibration a passé. Tu vois, en passe. Là, j'ai pris le petit gars, il y avait un trou d'eau. J'ai mis la tête dans l'eau. J'ai dit, mon petit gars, j'ai dit, la prochaine fois, mec, ta ouais, ma fille, j'ai dit, ta protégeras. J'ai dit, tu comprends-tu? Puis l'autre, il y avait deux autres à côté de lui, puis il y en a un qui dit, il dit, monsieur, il est pas bien intelligent. J'ai dit, je m'en crisse, il est pas intelligent. Penses-tu que tous les fous sont à l'ondile? J'ai remis la tête dans l'eau. J'ai dit, tu vas-tu la protéger après faire? Il dit, oui, monsieur. Là, j'ai pris une pièce, j'ai mis à sa porte pour balancer le docteur, j'ai dit bonjour. Puis, il a donné une pièce, là, j'ai dit, correct, là, j'ai pas fait mal, chien. J'ai donné une pièce, j'ai mis à sa porte. J'ai dit, ça, là, t'as acheté un corps, t'as ramassé. Mais j'ai dit, protège-la, ma fille, la prochaine fois. Peut-être pas, puis il prenait le plat. Faut que je relaxe, moi, si la petite, elle va se faire du bicycle. Puis, parce que le gars, il est pas assez bien fin, qu'il vient d'une famille de yo-yo, là. Mais ça prend toujours des étrangers pour donner des leçons à des enfants, parce que les parents le font pas, ça vient. Moi, c'est pour ça, je veux pas mêler les affaires. Là, vous autres, vous fonctionnez sur votre ego en cause. Vous avez en cause du lousse. Vous avez des craintes qui vous contrôlent un petit peu. Là. Mais tu vois, quand ça passe, cette affaire-là, Charlie, tu n'as plus de crainte. Laisse-moi dire. Pourrais-tu te faire aller jusqu'à là? Non, mais non. Ils peuvent te faire penser que tu vas le faire. Tu vas le faire jusqu'au bout, jusqu'à taille le gars. Là, ils vont te faire arrêter. Et tester pour voir si des émotions. Il détruit les émotions. Tu n'as plus d'émotions avec l'autre quand t'as fini. Pourquoi? Parce que sans ça, on n'aura aucune protection. Tout est dans la vibration. S'ils doivent se servir de telle chose pour vous faire comprendre telle chose, ils vont faire. Ils peuvent se servir n'importe quoi. N'importe quoi. Je m'ai déjà mis un fusil à la tête, moi, avec 5 balles dedans, puis il n'a pas parti. Parce qu'il me disait, soit qu'on est là, puis c'est bien ben réel qu'on est là, puis qu'on sait comment est-ce qu'il y en a de balles dans le tube. Ou non, t'es pas. T'es dans le doute. Puis quand t'es fusionné, tu peux pas tirer sa gâchette. Tu sais sa gâchette. Ils font tirer sa gâchette. Ils l'activent ton petit doigt à sa gâchette. Puis après ça, il dit. Oui, là, tu t'inquiètes pour rien. Ça, c'est dans votre expérience. Quand je vous dis que c'est dans la conscience pure, il n'y a pas de spiritualité, c'est comprendre. Quand vous commencez à faire des comprendre. C'est ça qui est le plus dur. C'est ça qui va être le plus dur pour les enfants d'arriver de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de spiritualité à la conscience. C'est la lumière. Oui, parce que ce que vous dites. Ils n'appellent pas les enfants du bon Dieu. Ils appellent les enfants de Dieu. Ce que vous dites pour nous autres, ça nous a été indiqué que faire ça, c'était. Se laisser aller, c'était. Non, c'était c'est pas quand, avoir de maîtrise. Quand eux autres te le font faire. T'as pas de choix. T'es obligé de le faire. Mais vous passez pas par cette expérience-là. Les dents fusion et des fonds pas. Tout. L'initiation et la fusion, c'est-tu la même chose? L'initiation, c'est une sensation. L'initiation, c'est la conscientisation de la fusion. C'est le rapport étroit entre eux autres et tous les plans de là. Je vous explique ça pour vous faire comprendre les affaires. Interprétez pas ça puis rationalisez pas ça. On va avoir un contact assez clair avec eux autres, ils vont vous dire pourquoi est-ce qu'ils font faire, pourquoi est-ce qu'ils font. Quand tu veux construire un canal, quand tu veux construire un tunnel d'une montagne, tu fais sauter en montagne, c'est ce qu'ils font, ils te font sauter. Après, c'est un tunnel. Tu sais, c'est aussi clair que ça. Ils laissent pas une roche. Ils les font tout sauter. Donc, éventuellement, t'as un beau tunnel, le train passe. Eux autres, c'est le train. Les chocs que vous subissez, ça concourt à ouvrir le canal. Ça ouvre le canal. Ça forme le tunnel. Parce que si vous savez ce qui se passe quand un train passe d'un tunnel et qu'une roche, ça attraque. Le train saute, puis le tunnel saute. Donc, il ne laisse rien. Sans ça, tu sautes. Si le canal n'est pas parfait, tu sautes. Quand c'est une lumière là, à part. Fait qu'ils font tout sauter, puis après ça, à part. Plus d'obstacles. Il n'y a plus d'obstacles. C'est plus l'ego là, qui ramène le chou. Hein? Non. C'est là que tu n'es plus dans l'illusion, tu es dans la réalité. C'est ça. C'est ça. Exactement. Tu restes sur le plan matériel, tu changes de plan, ça ne change rien à ta conscience. Tu es plus à l'aise sur un plan que l'autre. Tu ne tombes pas des pommes. Vous, c'est dur pour vous comprendre ça parce que vous êtes bonne, vous êtes spirituelle. Puis, vous n'avez pas souffert dans votre vie. Vous avez eu des soeurs, mais vous n'avez pas souffert dans la vie de l'autre. La même enfant a souffert, les autres. Comment est-ce que ça s'appelle, Diane, à se faire, disons? Mais on ne peut pas dire que tout ce que c'est qui nous est arrivé, toute notre plan. Non, non, non, c'est pas ça. Oh oui, c'est pas ça. J'ai dit souffrir d'eux autres. C'est sentir la volonté d'eux autres dans toi. Sentir. Tu sais, cette affaire-là. Mais quand on se fait des choses qui nous sont imposées, on ne peut pas le faire autrement, ça nous est imposé. C'est pour ça que je dis. Ça, c'est votre vie, puis c'est mieux. C'est bon, toi-même, parce que moins on a de souffrance, mieux c'est. Mais je veux dire, ceux qui souffrent, ceux qui ont souffert, ça, ceux qui ont souffert, cette volonté sur leur volonté, qui tranquent maintenant enragés, ils savent que c'est ce que je veux dire. Est-ce que tout le monde va y passer? Non, c'est pas ça que je dis. Mais j'explique que ceux qui vivent devant les messages, en le laissant ma femme. Ma femme est douce comme elle. C'est fin comme un agneau. C'est doux comme un agneau. C'est un vrai lion. Elle doit se faire. Fait que quand le canal est fait, que l'énergie passe. Parce qu'elle doit se faire. C'est la souffrance qui crée le canal. C'est rien que la souffrance qui crée le canal. Fait qu'à un niveau qu'elle tombe, il faut qu'il y ait une souffrance. Comment ça va dans 15 ans ou dans 20 ans ou dans 2 ans? Faut qu'il y ait une souffrance quelque part. Faut que l'ego cède. C'est pour ça qu'il parle toujours des souffrances des enfants de vie. Faut que l'ego cède. Ils sont pas pressés. Quand c'est... Chacun a son plan. Chacun a son plan de vie. Mais ceux qui vont passer de l'autre bord, c'est garanti que l'ego cède. Ils forment le tunnel. Il y en a qui l'ont vécu avant moi, il y en a qui vont le vivre après moi. Faut que ça se vive quelque part. Moi, j'en connais des gens, j'en ai rencontré des gens que, quand je les ai rencontrés, j'avais plus rien à dire. Il était prêt. Le canal avait été fait. Vous allez me raconter où ça se fait. Sont anti-égaux. Vos objections, vos rationnels, votre rationalité, la comprends. Ça marche pas bien. Surtout suivant le travail que vous avez à faire. Le travail que j'ai à faire, moi, nécessite un tunnel parfait. S'ils veulent faire passer telle chose pour faire sauter telle chose dans l'esprit du monde, il faut que ça passe. Si on n'a pas clarifié mon tunnel, comment est-ce que vous voulez que je clarifie votre tunnel? Je vais toujours vous embarquer dans des formes, dans des formes, dans des formes. Vous n'avez pas besoin de nous, ça vous engage des lits. C'est dans ce sens-là que je suis le grand ami de l'homme contre les formes, contre le monde des esprits, contre toutes les liens. Je suis le grand ami de l'homme. J'en ai des amis, moi, qui ont des. Ils se conscientisent, hein, même si. Ils vont passer de l'autre bord. C'est pas le plan de vie. S'ils changeraient toujours l'inflation, la famille tomberait à l'eau. Parce que tu peux pas passer dans les affaires de même et avoir une famille, des enfants, des responsabilités, puis passer comme vous avez, vous autres. Qui ne peut plus travailler, la mère qui ne peut plus faire ses affaires. C'est qui ferait l'enfant qui laisse un modicum d'équilibre. S'il change trop ses vibrations à lui et à elle, les enfants, qui c'est qui ferait? Il y a du tout-touring, tout dans le plan de vie. Ça. Sauf que nous autres, ils nous accrochent avant qu'on soit maintenant, quand on est tout seul, on n'a pas de responsabilité. Fait que là, tu peux faire toutes les temps, puis après ça, quand t'es recasé, là tu peux réorganiser tes vies. Puis en gros, ça a pris des années. Puis ça a pris une femme avec ça, tu sais, puis là, bon. C'est absolu, les forces d'amis. C'est absolu. Puis absolu, ça veut dire que ça se rationalise pas. Ils ont toujours raison, tout le temps. Quand même, tu galères, ils ont toujours raison. Tu vas regarder deux semaines après, tu vas dire, mais oui, j'ai compris ça. Ils ont tout le temps raison, c'est des vrais chines. C'est pas un chine, c'est des chines. Ils ont tout le temps raison. Moi, je me rappelle dans mes grandes souffrances, quand j'initiais des gens pendant mes grandes souffrances, là, j'étais à terre, j'allais là chez eux, je disais, c'est bien important la souffrance. J'étais en souffrance, mais j'étais obligé de dire, c'est bien important la souffrance. Et puis là, quand je parle au monde de souffrance, je veux pas dire que les gens s'imaginent qu'ils vont passer par des souffrances. C'est pas ça que je veux dire. Il y a de la souffrance. On a eu de la souffrance, elle. Mais une fois que le canal est fait, c'est plus facile. Une fois qu'il y a un tracé d'affaires, c'est plus facile. Sans ça, vous seriez obligé de tout passer par tous les aspects au moins. Là, il y a quelqu'un qui vous explique des points de référence, puis après ça, ben, vous les voyez, c'est clair, puis ça sert juste. Oui. C'est pour ça qu'on fasse ce travail. Simplement, t'as fait de mémoire et puis tout ça. Si on n'avait jamais entendu parler de lui, on se demanderait des fois si on interprétait par la tête, de ramollissement cérébral. Il est comme si il est conscient de ce qui se passe, il veut réajuster ça. Non. Avant que les goûts s'ajustent et s'habituent à parler de mémoire, ça prend un certain temps. C'est la fondation de son intérêt. Moi, si je pouvais vous exprimer en mots ce que je sais, vibratoirement, vous auriez tout peur. Parce que vous penseriez, vous interpréteriez. Ça vous fera peur. Il ne s'agit pas de faire peur au monde, il s'agit d'amener les mondes vers le centre. Détruire la main, pas la clé, la main même. Comme les souffrances d'une initiation, cette fusion, c'est... Comme Diane, elle disait, il n'y avait pas ce Diane-là, une autre Diane, elle disait, it's unfathomable en anglais. Ça n'a pas de fond. Tu peux pas le tu peux pas le saisir avec des mots. C'est dur à voir. Donc, c'est profond, la souffrance. Des mots, c'est difficile. Moi, j'en ai perdu totalement la mémoire de mon initiation. C'est tellement profond parce que c'est dans la vibration. C'est dans tous les fils de ton âme. Quand c'est fini, mais t'es clean. C'est pour ça que je déteste la spiritualité. Pas parce que je la déteste, mais parce que je sais que c'est fini, ça. Je suis obligé de toujours vous parler pour tout à l'heure. Je vous parle pour tout à l'heure. Je vous parle pour tout à l'heure. Quand à un certain moment, je dis comme là, je déteste la spiritualité. À vous autres, ça se dit. Mais à du monde, ça y sauterait. Fait que j'attends après un certain temps de parler d'une certaine façon. C'est pour ça que t'es seul quand tu sais. T'es tout seul. Il va y avoir un autre qui sait, puis un autre qui sait, puis un autre qui sait, puis un autre qui sait. Mais t'es toujours seul quand tu sais. T'es tout le temps tout seul quand tu sais. Quand tu penses, c'est pas bien du monde qui pense comme toi, mais quand tu sais ça. Parce que ça se communique pas, le savoir. Mais ça se communique pas. Elle sait ce qu'elle sait. Moi, je sais ce que je sais. On peut se parler. On peut transmettre ce qu'on sait. Mais ça se communique pas. Voilà. Parce que le savoir, c'est son expérience profonde à elle, son ego avec son âme. Son ego avec son âme. Son ego avec son âme. On peut transmettre son savoir. Son savoir. Et le communiquer, ça se communique. Il y a rien que lui qui se sait. Moi, je me sais. Vous savez. Vous saurez. Ça se discute pas. Ça se discute pas. C'est ça que quand les gens sont dans le savoir, là sont des réellement. Les gens parlent des frères spirituels. Là, t'es réellement un frère en esprit. C'est ça, même dans un don. Tu appartiens à la même famille, puis c'est la famille de l'autre. Hein. C'est la famille de l'esprit. Là, tu es un frère. Il n'y a plus de division entre toi et l'autre. Hein. Il n'y a plus de division. Tu ne peux pas en avoir. Il y a du savoir. Il y a du savoir universel. Quand il était établi, le savoir il est là, puis c'est final. Quand même que c'est les spirituels au bout, il y a toujours une division entre vous et l'autre. Tout le temps. Prends deux personnes, un rose quoi et un autre qui va des égaux encore, mettez-les ensemble à la même table, vous allez voir comment est-ce qu'il y a une division entre les deux égaux. Les deux êtres spirituels. Il n'y a qu'une personne qui peut les aider, c'est celui qui a le savoir, parce qu'il n'est pas impliqué dans ni un ni autre. Même si t'es avec bien des gens, même si t'es avec bien des gens, douze ans, tu as parlé intérieurement des choses. Douze ans, c'est ça la gueule. Tout ça. C'est intégral. Mais tu t'ennuies jamais. S'il y en a une personne seule, c'est elle. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Ouais. Oui. Louise Farmer. Elle est seule. Elle est seule. Parce que la dimension de ton expérience, la dimension de ton savoir intérieur, puis sa solitude, elle est bien différente de la solitude de la mère enfant ou de la solitude de Diane ou de la solitude de l'autre. Elle est ça. Un autre qui est ça, c'est chiasson. Ça. L'un qui est pas mal seul, c'est lui. Aimé Michaud. Lui, il est pas mal seul. Deux qui sont seuls sont bien personnes. Deux qui sont seuls se comprennent bien. Mais tu souffres de moins en moins d'être seul. Parce que tu sais que t'es pas seul. Ouais. Oui, c'est pour ça que je me suis marié. Suis une femme. Je suis tout seul. Quand t'es deux, t'es tout seul. Je suis tout la nuit. Puis à cette heure, je suis plus seul. On est plus seul. Puis on se revoit à ça. Mais intérieurement, c'est plutôt ça. Mon souffle est ramassé d'ici. On est seul en ce sens, il faut faire nos propres expériences, mais on ne peut pas les faire comme ça. C'est ça. On comprend ce qu'on comprend. Ceux qui sont pas fusionnés, qui sont pas dans. Qui connaissent absolument rien de ça, sont seuls dans vos îles aussi. Les gens inconscients, vous parlez? Ils réalisent pas ça. Les gens inconscients. Il y a beaucoup de gens inconscients qui souffrent énormément de solitude. Énormément de solitude. C'est pas rien que je mets à ceux qui sont conscients d'être seuls. Non, les gens inconscients souffrent de solitude, tandis que quand tu es conscient, tu es seul, mais tu ne souffres pas de solitude. Tu peux être seul pour différentes façons, différentes raisons. Il y a des gens qui sont seuls, qui vivent leur vie intérieure à un niveau de qui ne les met pas facilement en contact avec d'autres. Louise Farmer, c'est un exemple. Il y en a d'autres qui parlent plus. La mère enfant, c'est un exemple. Les B et L sont seuls. Il y a beaucoup d'entre-gens. Ça dépend des tempéraments. Mais c'est pas ça que je veux dire. Oui, je vois en bien ça. Mais les gens qui sont inconscients dans la société, il y a des gens inconscients dans la société qui vivent leur vie, mais ils n'ont pas de monde avec qui parler. Puis tant que tu n'es pas conscientisé, même si tu es très sensible intérieurement, tu n'es jamais sûr. Et là, la ligne de démarcation entre les gens qui doivent un jour se réaliser comme étant les fils de l'île, c'est que tant qu'ils ne se sont pas réalisés comme étant les fils de l'île, tant qu'ils n'ont pas rencontré les fils de l'île, ils ne seront jamais sûrs de leur solitude. Ils sont jamais sûrs de ce qu'ils sentent intérieurement. Regardez vos expériences avant qu'on se soit rencontrés. Il n'y en a pas un de vous autres qui était parfaitement sûr intérieurement. Vous saviez vos sensibilités, vous saviez, vous perceviez. Il y en a qui savaient beaucoup, mais il n'y en a personne qui était parfaitement sûr parce que vous aviez toutes des peurs. Même des gens aussi évolués que M. Bessette. M. Bessette a commencé à relaxer quand les formes ont commencé à être détruites. Son expérience, il l'a fait bien avant qu'on s'en rende compte. Mais il y avait le temps. Il y en a qui sont seuls, réellement seuls, physiquement seuls, c'est pas amour. Moi, avant le contact, j'avais pas ce problème-là parce que ça m'intéressait pas la spiritualité, puis les ésotérismes, puis toute la patente. J'étais en science, rien que ça venait là-dedans. C'est universitaire. Tant que j'avais des bonnes notes, j'étais heureux. Mais il y en a combien de gens qui savent? Sont préparés de longue date. Ils savent qu'un jour, quelque part en France, en Amérique du Sud, ils vont rencontrer quelqu'un qui parle. Parce que c'est facile, tu peux être en Amérique du Sud, tu rencontres quelqu'un qui est rattaché à Québec. Tu peux être en France, tu rencontres quelqu'un qui est rattaché à Québec. Tu sais, ça va loin, ça va vite. Mais plus vite qu'on s'imagine. J'ai déjà des demandes pour aller donner des séminaires en France. Puis j'ai le mot. C'est le degré d'évolution d'une personne qui fait que, mettons, quelqu'un qui est seul, point de vue physique, là, un apprenant qui est assez évolué, d'autres qui ne l'est pas du tout, là. Alors, si lui n'est pas évolué, il va venir fou chez lui seul. Mettons, il est enfermé dans une pièce, pas de mur, pas de. Enfin, je veux dire, pas de châssis. Tandis que l'autre, il va avoir quelque chose à penser, puis si ça évolue, il va en faire beaucoup, il va se distraire. Il va se distraire. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que s'ils avaient rencontré la personne, une personne, à un certain moment de leur vie, ça n'a pas rendu là. Et ça, c'est karmique. Moi, c'est pour ça qu'au début, quand je donnais les signes, je disais. Au début, je faisais des listes. Les gens, c'est des gens qui veulent se parler. Puis ensuite, j'ai arrêté parce qu'il y a des gens qui voulaient les listes. Il y en a surtout un qui voulait accumuler les listes. Il ne voulait pas que les listes soient accumulées. Pour garder que ce soit le plus anonyme possible. Mais je sais et je savais l'importance que les gens se rencontrent pas dans le temps pour gazer, fraterniser, former des alliances. Mais je ne pouvais pas le dire clairement parce que dans ce temps-là, vous étiez à vos